طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأمس كملنا ما يتعلق بالقدر والشرع، وفي الدكواع وقدر ضرورة الإيمان بقدر وبالشرع كذلك. Que les choses, lorsqu'ils touchent au bien ou au mal, on peut les connaître certaines par la fitra, comme on avait expliqué, certaines par le aql, certaines par le tajarub, mais les tafasils, surtout qui sont liés au akhira, c'est par le shara. Et le shara lui vient toujours confirmer la fitra, le aql et le tajarub. Il n'y a pas de tanakou d'entre eux. Là, dans les abobs qui suivent, là, on va prendre ça en résumé, il va parler de tawhid. Kullu ma kazakarna fi kutub al-sabiqa. Voilà, c'est là qu'on a fait le tawhid. Sur Salasa, Kawad Arba, Kitab Tawhid, Kif Shubouet, tout ça là. Donc là, on va le passer. On va faire un rappel de ce qui a été pris, car c'est quand même important. Mais on va résumer vraiment ce que l'auteur il a dit à ce moment-là. D'accord, les Faslun. مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. الإسلام il est bâti sur le tawhid. كما قال الله عز وجل dans le معنى où il dit en parlant à son messager: je suis juste il m'a été révélé que votre divinité est une seule divinité, alors est-ce que vous êtes soumis. Et ce tawhid obligé de faire le jam entre le nafi et l'isbat. كذلك. Car le nafi, wahdahu, ta'til. Et l'isbat, wahdahu, n'empêche pas qu'il musharaka dans le tawhid. Quand tu dis la ilaha illallah, tu dis la ilaha. Ça veut dire qu'il n'y a pas de divinité. Tu as fait quoi? Tu as fait un ta'til. Et le illallah, l'isbat, parmi Allah, ça n'inclut pas que Allah ne peut être que autre que Allah ne peut être adoré avec lui. Tu affirmes que Allah est adoré, mais tu n'indiques pas que autre que lui ne peut l'être. Donc tu es obligé de faire le lien entre les deux. La ilaha illallah et pas de divinité digne d'être adoré. En réalité, ce n'est Allah. C'est-à-dire, tu affirmes la ibada pour Allah et tu la renies pour autre que lui. Après, quand Allah qassama al-ulama bi tatabbu' wa al-istiqra' ila thalathati aqsam, qu'il était divisé en trois catégories, c'est tawhid. Tatabur ou al-istikra, c'est dans les textes. Les déductions des prises des textes. Et en fait, on n'a pas un hadith ou une ayah qui te dit que le tawhid est de trois catégories. Mais c'est ce qui est apparu à travers les textes. On a tawhid al-rububiyya, al-uluhiyya, wa tawhid al-asma wa sifat. Kama wa ma'alum. Les trois tawhid ont été réunis dans un même verset. C'est que l'Allah azawajal, Rabbu samawati wal ard, wa ma baynahuma fa'abuduhu. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِ هَلْ تَعْلَمُوا لَهُ سَمِيَّ. Surat Maryam, verset 65. Il dit: Seigneur des cieux et de la terre, ça c'est quoi? Rububiyya. Et est-ce qu'entre les deux, adorez-le, Uluhiyya, et persévérez sur l'adoration, est-ce que vous connaissez un homonyme? Asma Sifat. Donc, Tawhid Rububiyya, huwa ifradullahi ta'ala bil-khalq wal-mulk wal-tadbir. C'est le fait d'unifier Allah dans la création, dans la royauté, dans le contrôle de toutes choses. Min adillat hada tawhid, qala Allah azza wa jal, ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin. N'a-t-il pas donc la création et le décret? Tabarakallahu, Seigneur des mondes. Al-A'raf 54. Wa kadhalika fi qawli Allah azza wa jal, wa lillahi mulku as-samawati wal-ard. Et Allah appartient le royaume, la royauté des cieux de la terre. Al-Imran, verset 489. Wal adilla kathira. Et il dit que هذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Que ce tawhid là de rububiyya, les mushrikoun ils l'ont reconnu. D'accord, il n'y avait pas de problème. Comme on a azza wa jal, ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. Si tu les interroges et qu'ils ont créé, ils te diront certes c'est Allah. Az-Zukhruf, verset 87. وقول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. Si tu leur demandes qui donc a créé les cieux et la terre, ils diront certes c'est Allah. Luqman, verset 25. Plein de versets. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de mushrikoun qui a nous mukirrin bidhalika. Il n'y avait aucun qui voyait qu'il y avait un autre créateur que Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui avait créé les cieux et la terre. Et même dans notre religion, on n'a pas connu ça également. Dans les millénaires sabiqas, parmi ceux qui ont dévié par la suite, il n'y en a aucun qui a renié cela. Après, il cita par contre ceux qui ont, comme les Majus, on appelle les Thanawiyyah, Al-Qa'ilin bil Aslayn, ceux qui disent qu'il y a deux bases. Al-Nur wa Zulma, la lumière et les ténèbres. Que le Nour a créé le bien et que le Zulma a créé le mal. Cependant, même eux n'égalisent pas entre les deux. Pour eux, la lumière reste meilleure que le ténèbre. Même s'ils disent qu'il y a deux. Il y a deux origines, on va dire. Naam. Il y a deux sens de création. Et même eux n'ont pas égalisé entre le Nour et le Zulma. Ils disent que le Nour est le meilleur. Et cite à cela. Ça, c'est parmi les croyances des Majus. Même aujourd'hui, on le trouve. Je crois que le truc du Yin-Yang, c'est basé par rapport à cela. Le bien, le mal. C'est un os qadim, ça. C'est un os qadim. Et pour eux, comme le Nour crée le bien et que je préfère le bien, c'est le meilleur. Pour le Zulma, crée le mal. Et le mal, c'est moins émo que des gens, bien évidemment. Donc, ils ont dit quoi? Le Nour, Arsène. Mais là, échec. Même on voit aujourd'hui, les gens préfèrent la journée que la nuit, en général. Et même les gens sont, tu verras, qui ont des afkars bizarres. Souvent, c'est la nuit qu'ils sortent, parce qu'ils ont à faire. Là, c'est marouf. Tu dis pas que tout ce qui sort la nuit, c'est pour les trucs bizarres. Il y a des hajat, il y a des ibadat, la nuit, elles sont mieux, tu vois, comme Kremel, Leila, Kaza. Et je parle des gens qui sortent la nuit dans la rue, dehors, au moment où tout le monde dort, pour des choses qui ne sont pas une haja. Souvent, c'est des gens qui ont des afkars bizarres. Combien de jeunes on connaît? Là, toute la journée, ils dorment, et le soir, ils sortent et ils sèment la corruption sur terre, en faisant tout ce qu'ils ont à faire, car dans la nuit, on ne voit pas trop. D'ailleurs, c'est quel moment que les munafiqoun, quels sont les salats les plus durs? Après la salawat et les munafiqoun? Aïwa, c'est l'Isha ou le Fajr. Pourquoi? C'est le moment des zulmés, personne ne les voit. Donc ils ne viennent pas, on ne se rend pas compte de leur absence. ثم قال أما توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر وغير ذلك. توحيد الألوهية, c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration, que Allah doit être adoré seul. Rien d'autre en dehors de lui ne peut être adoré, ni ange, ni messager, ni prophète, ni allié, ni arbre, ni pierre, ni rien du tout. قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, adorez Allah et ne lui associez rien du tout. Sourate An-Nisa verset 36. وقوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans que nous lui ayons révélé qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de moi, alors adorez-moi. L'Anbiya verset 25, les prophètes. Et ça, ce nom du Tawhid, c'est celui-là que les Mouchidikoun ont refusé. C'est là qu'il y a eu le fasl entre les Anbiya et les suiveurs et les Mouchidikoun. Comme on dit Allah Azza wa Jal, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّ لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Donc si jamais il aurait dit لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ, ils s'enflent d'orgueil. Et ils disent, va-t-on donc laisser nos divinités pour un poète qui est fou, en parlant de qui? De Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sourate Safat, verset 35 à 36. وقال عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهة إن هذا لشيء يراد. Qu'ils aient dit quoi? Ils ont été surpris qu'un avertisseur soit venu. Et les koufars ont dit, celui-là, c'est un sorcier menteur. Va-t-il donc faire de toutes les divinités une seule divinité? C'est vraiment une chose surprenante. Et après, ils se sont déplacés pour préserver leur fausse divinité. Sourate verset 4 à 6, je dis approximativement. Donc, min ajli inkarihim, iyahu qatalahum al-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, wa stabaha dima'ahum wa amwalahum. Wa ghayr dhalika, wa sabi'i wa nisa'ihim, wa dhurriyyatihim, bi'iznillahi ta'ala wa amrihim. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Du fait qu'ils ont refusé Tawhid al-Uluhiyya, qu'ils n'ont pas voulu unifier Allah dans l'adoration. Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et a rendu leur sang permis, leur bien permis ainsi que leurs femmes, leurs enfants, c'est-à-dire les prendre comme esclaves. Et cela par permission d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment. Donc, le fait qu'ils aient reconnu Tawhid al-Rububiyya n'a pas fait de les croyants. Contrairement à des gens qui disent que le fait de croire que Allah c'est le créateur, c'est le Seigneur qui est présent, kaza kaza, ça ne suffit pas pour un croyant. Et ce n'est pas pour cela que les messagers t'ont envoyé, pour appeler le Rubiya. C'était une chose qui était acquise chez les gens. Ils t'ont envoyé pourquoi? Tuhid al-Uluhiyya. Faqal, wa man abadahu, wa abada ghayrahu. Taïb. Plutôt il dit, avant. Faman lam ya'budillahi ta'ala fa wa mustakbir, ghayr al-muwahid. Celui qui n'adore pas Allah, c'est un orgueilleux. Il ne se ment pas un muwahid. Wa man abadahu, wa abada ghayrahu fa wa mushrikun, ghayr al-muwahid. Et celui qui l'adore, lui, et adore autre que lui avec lui, c'est un mushrik, qui n'est pas un muwahid. Il n'unifie pas Allah dans la création. وَمَنْ عَبَدَهُ بِمَا لَمْ يُشْرَعْ فَهُوَ مُبْتَدِعُ النَّاقِسُ التَّوْحِيدِ حَيْثُ جَعَلَ لِلَّهِ تَعَلَى شَرِكًا فِي التَّشْرِعَ. Et que celui qui adore Allah dans, par un moyen qui n'a pas été légiféré, lui c'est un مُبْتَدِعُ au tawhid qui est naqis, qui est réduit. Il est mort encore sur le tawhid du fait qu'il a donné à Allah un associé dans le tashri'a, dans le fait de légiférer les choses. Donc le Mubtadi est une part de shirk. Dans quoi? Dans le tashri'a. Dans le fait de légiférer des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. Puis, il dit que l'ibada, tout l'oc, elle a marnayin. L'ibada s'applique sur deux choses. Ahaduhuma al-ta'abud. Le ta'abud, c'est quoi? C'est le fait d'adorer. L'acte d'adoration, le fait d'adorer. Quand même, le fait d'adorer. Tazallul. Même là, tazallul, le fait que tu te rabaisses, que tu humilies. L'amour grand que tu vas ressentir en toi, le ta'zim que tu auras, et ça c'est le asas de l'ibada, c'est la base de l'ibada. Tu fais cela, quand même, pour obtenir l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou alors, pour autre que Allah, pour ceux qui sont mouchriques. C'est-à-dire, ces sentiments-là sont présents en lui, dans ce qu'il fait, pour autre que Allah, c'est du shirk qu'il va faire. Donc ça c'est le premier ma'na de l'ibada, le fait d'adorer. Et également, l'ibadat, c'est ma'na, l'adoration, c'est-à-dire l'acte d'adoration lui-même. Et ça, c'est, comme zakara shir l'islam, nafsu, ismun jami, ali kulima yuhibullah, wa yarda, ni la kouel, ou l'armel, avaira, ba'atila. Toutes les choses, également, bima yuta'abad bihi Allah. C'est un mot général, tout ce que Allah aime, comme parole ou acte apparent ou caché. Et différentes catégories, comme al-tahara, al-salat, sadaqa, soum, hajj, birr al-walidain, silat al-arham, ghayr dhalika. Donc toutes les formes de ibada. Et cette ibada, comme tu le sais, a deux chourotes. Uzkurhuma. Al-ikhlas mutaba'a. C'est-à-dire que tu fasses ton adoration, tu la fasses que pour Allah seul. Si jamais tu la fais pour que lui, tu auras fait du shirk. D'accord? كما قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Et cependant, il leur a été ordonné que de vouer un culte exclusif seul à Allah. وكما قال عز وجل واعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص. Et adore Allah sincèrement envers lui dans ta religion. Et c'est à lui que revient la religion pure et sincère. Zumar verset 2 à 3. Donc celui qui fait qui adore autre que Allah, il lui a fait du shirk. Celui qui adore Allah et autre que lui avec lui, il a fait du shirk. Et celui qui adore Allah, mais qui donne une part de sa ibad à autre que Allah, comme dans le riyal, le sotation, comme on a pris, il lui a fait du shirk également. Après le shirk, on a dit, il y a Akbar, il y a Asghar. Ça, on a pris le kitab Tawhid et Tafsil là-dedans. Et deuxième short, c'est Mahou Amutaba'a, le suivi prophétique. Que ton acte soit en conformité avec ceux, avec les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on dit Azza wa Jal, وَإِنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُولِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Et ça, voici mon chemin droit et suivez-le, ne suivez pas les sentiers, car vous vous sépariez, vous égariez de mon sentier. Al-An'am, verset 134. 153 plutôt. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. Comme on l'a dit, celui qui cherche autre que l'islam comme religion ne sera pas accepté de lui. Donc, tout cela c'est l'islam. Qui c'est qui nous l'enseignait? Khas, comme on a pris hier, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le fameux hadith an Aisha qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man amila amalan nisali amruna fa huwa radd. Celui qui a fait une œuvre sur laquelle n'est pas notre enseignement, il est rejeté. أو في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui innove dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Et plein d'ahadiths qui sont venus démontrant que tu es obligé de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est lui qui t'enseignera comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et toute adoration, tout acte d'adoration qui n'est pas conforme à la sunna et à l'islam, c'est une bid'a. Et peut-être qu'il y a, ça dépend de ce que tu fais, ou ça peut autre. Et la bid'a, كل بدعة ضلالة, toute bid'a est égarement. Toute. Il n'y a pas de petite bid'a ou grande bid'a, dans le sens que c'est tout un égarement. Et il n'y a pas de bonne bid'a, ça n'existe pas. Maintenant, les bid'a diffèrent, il y en a qui sont pires que d'autres, bien évidemment. Mais il n'y a pas une bid'a qui apporte un bien. La bid'a, il n'y a que du mal. Et même s'il y a un bien, le mal qu'il y a derrière sera plus grand encore. Du fait que tu auras quoi ? Insinué que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parachevé la religion comme il faut, n'a pas retransmis le message comme il faut, car tu as besoin de faire des choses nouvelles qu'il n'a pas apportées. Wa hadha ma yajuz. طيب. Après, il zakara anwa' min al-ibadat, des formes d'ibada qui sont très nombreuses, parmi le zabh, fait dégorger, sacrifice, tawakkul. Le zabh, ça c'est, on avait dit avant cela dans Tawtih al-Irtiqad, un ibada à la qismain. T'as ce cours, Rouma ? Fon. À la, je dis qismain, aksa. Badania. Badania. Ce sont les quatre catégories. Celles qui sont dans le cœur, comme le tawakkul, al-khawf, al-khashiyya, tamam, ou raja, l'espoir. Celles qui sont, oh, allez, enfin, il kawl, ka, notk bishahadatayn, ou le zikr, takbir, tahlil, tamam, hatta l'amr bima'rouf, ou n'ayan munkar, avec la langue. Il y a celles qui sont corporelles, par le corps, comme le salawat, comme le siyam, ré les alika, et celles qui sont financières, liées au bien, comme le sadaqa, la zaka, et certaines mélangent plusieurs, comme le zabh, sacrifice, tu dépenses, quand même, et tu as un autre qu'à faire, tu as le takbir à faire, quand tu le fais, tu es 5000 larni, je veux dire. Takbir, c'est pas tout le temps, takbir, c'est pas l'azim. Ce qui est l'azim, c'est que tu prononces le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc là, tu vas faire quoi ? Une ibada, l'orziya. Et également, badabir, si tu veux égorger d'une façon particulière. Tu en as, elle regroupe différentes catégories en elle. Thumma zakara, amma tawhid al-asma wa sifat, fawa ifradullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. وذلك بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Donc c'est quoi le tawhid dans les asma wa sifat? C'est le fait d'unifier Allah dans ses noms et attributs. En affirmant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé parmi ses noms et attributs dans son livre, sur la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est venu authentiquement, et cela sans tahrif, sans altérer, sans ta'til, sans supprimer, sans takif, sans chercher le comment, sans tamthil, sans chercher à représenter ou à faire ressembler. Et tout cela, on l'a pris dans le début du kitab. Kullu hadha kazakarnahu. Kazalik, la yajuz tasmiyat Allah ta'ala ou wasfuhu bima lam yati fi kitab ou la sunnah. Qui n'est pas permis de nommer Allah par un nom ou l'attribuer un attribut qui n'est pas venu dans le livre de la sunnah. Ça, ça rentre dans quoi? Dans l'ilhad. On l'a pris dans le kitab tawhid, l'ilhad. Le fait de nommer Allah par un nom qui n'est pas le sien. Et parmi les choses les plus fréquentes en cette époque, le nommer est Dieu. Mathalan. Dieu, l'isma min asma'i. Après, il fait un talkhis dans les gens de façon générale, dans les asma wa sifat. Fi sittat aqsam. Awalan, ceux qui ont pris les textes dans leur apparent et dans le droit qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela lui convient. Sans tahrif, sans ta'til, sans takif, sans tamsil. Et ce sont les salafs. Et ceux qu'ils ont suivis par la suite. Et ce basant sur les adillets du kitab de la sunna, et du aql et de l'ijma'. Deuxième qism, ceux qui ont pris les textes dans leur apparent, mais ils ont fait tashbih. Ils les ont mis comme sifat des makhloukin. Et c'est son mouassila. On a parlé d'eux au début du livre. La salis, ceux qui ont pris les textes dans un sens qui s'oppose à leur apparent. Ils ont fait quoi? Ta'til. Ils leur ont donné aussi long des ma'ani de leur raison. Ils ont fait des ta'wilat. Ils ont fait des tahrif. Donc, ce sont les gens du ta'til. Comme les Jahmiya, comme les Mu'tazila, ou les Asha'ira, et autres. Rabi'a, ceux qui ont dit que Allah est plus savant des sens. Man ha'oula, al-mufawwidha. Ceux qui ont dit, le sens de tel mot, tel sifat, c'est Allah qui le connaît. Nous, on ne le connaît pas. Le sens de tel nom, c'est Allah qui le connaît. Nous, on ne le connaît pas. Al-khamis, ceux qui ont dit que, mathalan, il est possible que par ce texte, Allah ait voulu affirmer tel sifat qui lui revient, ou qu'il ait voulu autre chose par là. Entre les deux. Quand même. Peut-être que ça veut dire ça, peut-être que ça veut dire autre chose. Et sixième, les al-waqifa, les abstentionnistes, ceux qu'on dit, nous, on ne rentre pas là-dedans. Quand même, nous, on ne rentre pas là-dedans. Ils lisent des textes, tu leur demandes, dis, moi, je ne rentre pas là-dedans. Donc, kullu ha'ulai rabatil illa al-awwalin. Le premier qisme, ce sont ceux qui sont sur la vérité. Thumma zakara faslan ba'da hadha. Ça, on a fait vraiment un résumé. Hein, parce qu'il a dit que, alhamdoulilah, c'est déjà acquis, c'est déjà appris. Et des choses ont déjà été citées dans le début du livre. قال وبهذا التقرير عن اقسام التوحيد يتبين غلط عامه المتكلمين في مسمى التوحيد حيث جعلوه ثلاثه انواع حيث جعلوه ثلاثه انواع donc là après qu'on ait compris cela on voit l'erreur des mutakallimin des gens du kalam que ils ont une compréhension erronée du tawhid ils l'ont mis également de trois sortes ce tawhid awalan que Allah il est seul dans son zat d'accord et qui ne peut être, comme on dirait, divisé. Et qui n'a pas de partie. Qu'il est une seule chose. Et seul dans cette chose-là. Asani, qu'il est seul dans ce sifat, et qui n'a pas de ressemblant, de choses qui lui soient similaires. Asalis, annahu wahidun fi af'alihi la sharika lahu. Qu'il est seul dans ses actes, sans associer. Maintenant, il va montrer c'est quoi l'erreur qu'ils ont voulu dire par là. Awalen, première erreur, la plus grande erreur qu'ils ont faite, ma zakaru fi hadhihi al-aqsam tawhid al-uluhiyya, qui est la raison pour laquelle les messagers ont été envoyés. D'accord ? Ils l'ont pas mis dedans. Que Allah seul mérite l'adoration. Kama qala azza wa jalla qui nous a créé pour cela. Je n'ai pas créé les djinns, les hommes, que ce n'est pour qu'ils m'adorent. Zariyat 56. Et pour cela qu'on voit les messagers. Et c'est pour cela que les messagers, également, ont fait le djihad, le qital des mouchriquin, comme tu le sais. Donc eux, ils ont été inattentifs par rapport à cela et l'ont délaissé. Donc c'est la première grande erreur qu'ils ont fait, ces gens-là. Et d'ailleurs, chez eux, le sens du ibadah, ils ne connaissent pas. Ils vont invoquer autre que Allah, ils vont dire c'est pas du shirk. J'invoque pas les. Ils disent je ne me consomme pas devant une idole, devant une pierre. Je vous dis le tawhid, tu n'as pas compris c'est quoi l'uluhiyya. Et ça, on a tout cela, c'est cité dans Kef Shubuhat et dans Tathir al-Irtiqad. Deuxième erreur. Que Allah est seul dans son zat. Il n'a pas de qasim. S'il veut dire par là que Allah ne se divise pas et qu'il n'est pas composé de choses différentes, quand même, de ajda, ça c'est haq. C'est un sens qui est haq. C'est-à-dire qu'Allah, il est ahad, samad, lam yalid wa lam yulad, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'égal. Fa'ad al-ma'na sahih. Mais s'il veut par là le fait que, مثلاً, ils ont renié sifat de l'ulu, l'istiwa, sur son arsh, ou son wedj. Quand ils disent les ajja, ils veulent dire pas quoi? Les sifat, les khabariya. Celle que Allah nous a informé, dont tout ça m'a fi haqqina, al-abrad, qui nous, dans notre statut d'être humain, il s'appelle des membres. Chez nous, les mains sont des membres. Donc, s'ils ont voulu nier cela, dire qu'Allah est une seule chose, tu vois, une seule chose, sans partie, un seul zat, ça c'est faux. Et ces sifat-là, on les appelle sifat al-khabariya, comme qadam, yad, wedj, l'ayn. Ces sifat-là sont des sifat khabariya. Et ils rentrent dans les sifat zatiya, qui sont liés aux zat. Et eux, Shir, ils disent c'est ça qu'ils veulent parler en fait. Leur vrai mourad, c'est ça. Donc ils ont fait une erreur. Et ça, c'est batil. Car Allah SWT a fumé pour lui-même ces sifat-là. Et surtout des sifat de Kamel, comme tu le sais, et qu'elles sont comme elles lui reviennent à lui, sans tajbih avec le khalq. Et le kayfiyya, on ne connaît pas. Wajh salis, qawluhum, que Allah est seul dans ce sifat, et que rien ne lui ressemble. Il dit, hadha al-qawl fi ijmal. Ce qawl, il est vague, il n'est pas précis, de leur part. S'ils veulent par là que, affirmer les sifat d'Allah SWT, dans le wajh qui lui revient, taliq au bihi, sans le faire ressembler à la création, fumay yahtas au bihi, fa hadha haqq. Ça, c'est, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est le mazhab des salafs. Cependant, ils disent que eux, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent par là qu'ils fassent ce qu'on avait dit la première fois, un tartil tajbih min kulli wajj mutlaqan. Donc c'est quoi? Ils ont voulu faire quoi là? Nafi mutlaq et tashabuh. La base de la liaison, ils ont voulu la renier. Ils ont dit non, il y a toujours un code mushtarik, comme on l'expliquait, toujours un lien commun. Eux, ils ont voulu effacer cela. Et ça, leur cause. Comme par exemple, les termes employés, yad, yad, c'est un code de mushtarik. Et le ma'na, ma'alouf. Et ils ont voulu effacer cela également. Donc ça, c'est une erreur. Ils vont dire que Allah, il n'y a rien qui est commun, c'est-à-dire que même dans les sifat, on n'a fait aucune sifat dont le sens est présent chez la créature. On rejette. On rejette. Donc, pour eux, ces gens-là, et ça, le tawhid, chez les Jahmiya, le Mu'tazila et autres, le tawhid, c'est, en fait, unifier Allah et le rendre d'une façon qui n'ait aucun lien avec la création. Et le fait de faire ressembler Allah à sa création, pour eux, c'est du shirk. Le fait de dire qu'Allah, il a des mains, c'est du shirk. Le fait de dire qu'Allah, il a des pieds, c'est du shirk. Car quoi? Tu n'auras pas unifié Allah dans sa sifat qui fait qu'il n'y a rien qui est comme lui, min kulli wajh. Et nous, on a déjà dit qu'il n'y a personne qui a dit qu'il est comme lui, min kulli wajh, de toute façon. Ma ahad qala dal qawl. Personne n'a dit cela. Nous, on dit qu'il y a un code de mujtalik. Masalan fil alfaz. Al-ilm inda Allah, al-ilm indana. Mais est-ce qu'ils sont pareils? Non. Allah wahay, nahnu ahya kazalik. Allah, il est vivant, nous sommes vivants. Allah, il est présent, nous sommes présents. Sabah. Mais pas comme il faut. Ils affirment les sifat à Allah SWT, mais pas comme de façon légiférée. Ça, c'est l'ash'ari. Même si yuthbituna dit sifat, yuthbitunaha ala hakikatiha. Ils ont fait un ta'wil également. Ils ont fait un ta'wil également. Ça, on l'avait dit au début. Et Wajh Rabi, leurs paroles qui disent que Allah il est wahid dans ses af'al, la sharika la. Que Allah est seul dans ses actes, sans l'associer. Ils veulent quoi par là eux? Tawhid al-Rububiyya. Que seul Allah crée. Et ça, on est d'accord avec eux. Mais pour eux, c'est ça le tawhid. En fait. Ma'na la ilaha illallah indahum, ma'na la khaliq illallah. C'est ça en fait qu'il veut dire par là. pour le tawhid également, c'est que il n'y a que Allah qui crée. Donc ce tawhid, ma'adha ala rububiyya. Celui que, sur lequel étaient les mouchtikoun. Donc, ma'na la ilaha illallah, ce n'est pas la khalik illallah. Ou d'autres, ils ont dit la moujoud illallah. La. Ma'na la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaq illallah. Nul est digne d'être adoré en dehors d'Allah, en vérité. Et ça, c'est le ma'na qui est ma'rouf chez les musulmans. Et c'est celui-là qui amènera vraiment au sens de Tuhid al-Uluhiyya. Ama la ilaha illallah bima'na la khalik illallah, ça ne mène pas à ce que tu adores Allah seul. Tu vas dire les mouchrikoun, pourquoi ils ont refusé de dire la ilaha illallah? Car ils disaient la khalik illallah, ils savaient ça. Donc pourquoi ils ne disaient pas la ilaha illallah? Ils savaient ce que ça voulait dire. Les mouchrikoun de Quraysh et autres savaient le ma'na de la ilaha illallah, le takdir. La ma'bouda bihaq illallah. Donc s'ils le disaient, ça aurait inclus quoi? Qu'ils agissent en conséquence, ils ne voulaient pas. Donc là, ça amène à quoi? À savoir que les mouchrikoun de l'époque étaient plus savants du ma'na de la ilaha illallah que certains musulmans de notre époque. Et ahl al-kalam. Et tout cela également, on l'a cité également par exemple dans d'autres douloufs. Même dans l'arabe, en langue arabe, c'est ça qu'il convient de dire. Mais là, on ne va pas le prendre maintenant. Donc là, c'est ce qu'on a pris aujourd'hui. On a parlé de tawhid. Et accepte des gens dans ce tawhid. Et que la réalité, c'est que le tawhid pour lequel ont été envoyés les messagers, principalement, c'est le tawhid al-uluhiyya. Naam. Et les tafasil sont présents dans les autres durus. Fahimta hada? Fa ila huna. والحمد لله رب العالمين